Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Cette expression. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. La radio de la junte militaire ne cesse de répéter que Makarios a été tué. C'est faux, il est en vie. Cette semaine, les crimes d'Henry Kissinger. Du Chili à Chypre, du Bangladesh au Vietnam, quatre crises majeures pour la diplomatie américaine. Vous en foutez de tout. En Amérique, vous prenez une aspirine comme ça. Parce que vous pesez 100 kilos. Moi, en petit vietnamien, je prends une aspirine comme ça parce que je ne pèse que 50 kilos. Quatrième volet de notre semaine consacrée à l'action ou au coup bas, comme on préférera, mené par Henry Kissinger et à quelques temps forts de l'actualité internationale qui se sont déroulés à l'époque où le diplomate américain occupait ses plus hautes fonctions à la tête de l'administration des États-Unis. Après le Chili, Chypre, le Bangladesh, c'est aujourd'hui le Vietnam que nous évoquerons. Le Vietnam de la sortie, le Vietnam des accords de paix, enfin signé à Paris. Nous serons entre la fin de l'année 72 et le début de l'année 73. Henry Kissinger est probablement au fait de sa gloire et de sa popularité. Jalousé, prétendra-t-on à plus d'une reprise, par Richard Nixon lui-même. Après tout, c'est son secrétaire d'État qui obtiendra le Nobel. Mais ce Nobel est aujourd'hui, nous l'avons dit à plusieurs reprises, fortement contesté, voire inquiété, en différents points du globe. Nous n'en voulons pour preuve que cet article de Claire Tréhant, paru dans Le Monde le mardi 29 mai 2001, sous le titre « Henry Kissinger, rattrapé au Ritz, à Paris, par les fantômes du plan Condor ». L'ancien secrétaire d'État américain, convié à une manifestation à l'UNESCO, séjournait à l'hôtel Ritz, à Paris. Il reçut la visite de la brigade criminelle, qui venait lui remettre une convocation du juge Roger Leloir, l'invitant à se présenter le lendemain à son bureau du palais de justice. Le directeur du Ritz, mobilisé à l'arrivée de la maréchaussée, eut là sans doute à assumer l'une des plus déplaisantes tâches de sa carrière, aller remettre la missive au grand homme et la lui traduire. Peu après, M. Kissinger sortait, flanqué de ses gardes du corps, en disant qu'il ferait connaître sa réponse plus tard. Mardi, il a fait savoir qu'il ne répondrait pas à la convocation du juge. Et Kissinger, ce jour-là, repartit bien vite de la capitale française. Quel changement! Que d'eau passée sous le pont depuis cette fin d'année 1972, où ici même, sur les ondes de la radio romande, on avait sorti l'encensoir. Chapitre 1. 1972 et son homme de l'année. Ses succès, comme ses échecs, ont marqué l'année 1972. Henry Kissinger, conseiller spécial du président Nixon, est maître, du moins jusqu'à présent, de la diplomatie des États-Unis. Nous vous proposons quatre esquisses pour un portrait dessiné par Pierre et René Gosset, auteur de Nixon le mal-aimé, André Fontaine et André Unebelle, auteur de ce cher Henry, à qui nous demandons d'ailleurs de bien vouloir tracer le premier trait. La première fois que je l'ai vu, oui, il m'a fait asseoir sur une banquette assez basse et lui s'est assis sur un fauteuil beaucoup plus haut. Et je lui ai dit, je lui en ai fait l'observation en le taquinant. J'ai dit, tiens, vous avez besoin de dominer. Et j'ai remarqué dans ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'hommes petits, bien sûr. Je dis hommes petits, qui signe, je n'en ai pas tout petit, mais en Amérique, il est toujours plus petit que ses interlocuteurs. Mais avec les Vietnamiens, regardez, il est si heureux parce qu'il peut les dominer. Je suis sûre qu'il a été ravi de négocier avec des Asiatiques parce que pour la première fois de sa vie, il est toujours le plus grand. Pierre Gosset. Henry Kissinger est né Heinz Kissinger à Fort en Bavière. Il était le fils d'un professeur de lycée juif et qui a eu la chance inouïe, après la nuit de cristal, après tous les événements épouvantables qui se sont passés à ce moment en Allemagne nazie, de pouvoir la fuir et de pouvoir arriver aux États-Unis. Le père de Kissinger a eu une existence extrêmement difficile, lui et sa femme. Sa femme est devenue cuisinière. Ils ont eu des débuts extrêmement difficiles aux États-Unis. It was very hot. C'était très dur. Very... On ne savait pas comment affronter ce monde nouveau. You just didn't know et cette how to nouvelle face vie. A new world and a new life. Encore moins mon mari, qui était un homme très cultivé et ne pouvait rien faire et ne savait même pas par où commencer. Moi, je pouvais travailler avec mes mains et j'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'à ce que mon mari trouve bien des années après un travail de libraire. Dans une rédaction pour l'école, j'ai écrit que si j'éprouvais parfois un sentiment de nostalgie, ici au moins, je pouvais marcher la tête haute. Et cela valait tous les sacrifices. La chance inouïe du jeune Kissinger, quand il est arrivé aux États-Unis, avait 13 ans, ça a été la guerre avec l'Allemagne, avec son pays natal. Il s'est engagé instantanément dans l'armée américaine. Il était très jeune, il avait 18 ans. Il est donc devenu non moins instantanément citoyen américain. Étant donné son origine, il s'est retrouvé dans l'armée d'occupation en Allemagne, comme c'était un jeune garçon fort remarquable et fort intelligent. Petit sergent, on l'a retrouvé à la gestion comme maire, faisant fonction de maire d'une petite ville d'Allemagne. Pendant toute la période où il administre cette ville occupée, il se fait appeler Mr. Henry. D'après les gens qui l'ont connu à cette époque, il ne tenait pas trop à ce que l'on sache qu'il avait un nom juif. Sa mission est de constituer une force de police et de dénicher les derniers nazis. J'ai fait placarder des affiches conviant tout ancien policier à se présenter à moi. Un jour, un type s'amène. Je lui demande quelle est son expérience. Il me répond « Staatspolizei ». Je lui demande en plaisantant « Geheimstaatspolizei », autrement dit la Gestapo. Il me répond « Oui, Geheimstaatspolizei ». Il n'a pas compris pourquoi je le coffrais. Il m'a dit « Mais que puis-je faire pour vous aider ?» Je lui ai répondu « Aide-moi à trouver tes collègues. » Et grâce à son aide, j'ai arrêté plus d'agents de la Gestapo que tous les soldats américains et britanniques réunis. Parce que je savais où ils étaient. J'ai obtenu une médaille, mais c'est lui qui a fait tout le travail. L'officier qui commandait son unité lui a dit sommairement, mon garçon, vous avez mieux à faire que vous égarer de cette façon. Et il s'est retrouvé étudiant à Harvard et il a gravi d'une façon foudroyante tous les échelons et il s'est retrouvé au bout d'un certain nombre d'années professeur à Harvard. Telle est sa carrière jusqu'au moment où elle s'est transformée du tout au tout, au moment où il a été distingué donc par Richard Nixon. Oui, le destin de Kissinger s'appelle Richard Nixon. Eh oui, promis, juré, pas corrigé, pas monté, c'est ainsi que Beethoven se retrouve sculptant le modèle du diplomate self-made man, une sorte de mausolée à la gloire d'un humanisme éclairé auquel veut s'accrocher coûte que coûte la perception européenne de l'époque, même si il faut faire l'impasse d'un grand nombre de ruelles sombres et de coursives malodorantes. Et pourtant, en 1972, C'est l'époque plus que turbulente pour un Richard Nixon malmené par le Watergate. C'est une époque où le contre-pouvoir journalistique commence à pointer bien plus que le bout de son nez. Il n'empêche, Kissinger, en plein état de grâce, vole au-dessus des nids de cocu. Mais tout jugement après l'événement est somme toute un peu trop léger. Face à un présent toujours trop opaque, nous nous abstiendrons de prétendre que le passé est tout naturellement limpide. D'autant qu'à l'époque, déjà, certains observateurs visent juste. C'est le cas d'André Fontaine, futur directeur du Monde, et d'André Hunebelle, l'auteur de ce cher Henri. C'est un homme qui a su admirablement profiter de la conjoncture. Et la conjoncture était opportune avec Pékin. Au moment où il a su saisir cette balle au bond, il a su s'en servir admirablement, non pas contre la Russie. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il ait vraiment joué Moscou contre Pékin et Pékin contre Moscou. Il a joué Moscou et Pékin. Oui, mais reste tout de même l'échec, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler le couac de la négociation sur le Vietnam. Dès qu'il s'agit de négocier avec les Asiatiques, à ce moment-là, le fait que Kissinger, qui est un esprit absolument éminent, c'est un homme tout à fait hors du commun, qui a une intelligence brillante, mais qui n'a aucun sens psychologique, qui n'a aucune intuition. Et pour lui, ces Vietnamiens, qui étaient des tout petits peuples, comment est-ce que ces Vietnamiens auraient osé défier les États-Unis? Il a pensé que c'était une aberration et qu'il allait négocier assez facilement. Je me souviens, je lui avais dit, mais vous n'arriverez pas à négocier avec eux, ils n'ont pas confiance en vous, etc. Et il me disait, mais enfin, ils ont bien négocié avec vous, Français, pourquoi ils ne négocieraient pas avec nous? Et je lui ai dit, mais ils ont négocié avec nous, Français, parce que nous étions vaincus. Croyez-vous, André Fontaine, que Kissinger n'a pas su s'y prendre, ou alors qu'il n'a pas voulu s'y prendre de la façon qu'il aurait fallu? Ce n'a jamais été un homme qui a pensé à un décrochage unilatéral du Vietnam, avant même qu'il soit à la Maison-Blanche, il le disait, moi je l'ai entendu dire ça souvent, disant, nous ne pouvons pas nous retirer purement et simplement du Vietnam. Donc, il a toujours considéré que les États-Unis ne pouvaient négocier qu'à partir d'une position de force et qu'il fallait établir cette position de force à n'importe quel prix. Alors, je ne pense pas qu'il ait tellement désapprouvé le blocus du Nord-Vietnam, les bombardements massifs du Nord, etc. Donc, c'est quelqu'un qui fait couler le sang sans trop d'hésitation. Bon, c'est ce qu'on appelle un realpolitiker en allemand. C'est-à-dire, c'est un homme pour qui une certaine conception de l'ordre international suppose des gendarmes et qui pense que les États-Unis ont peut-être fourni trop de gendarmes à cet ordre, mais qu'il faut qu'ils continuent d'en fournir un certain nombre. Un homme d'ordre, un spécialiste de la realpolitik. Eh bien, venons-en justement à la question vietnamienne. Fin octobre 1972, voilà déjà 4 ans qu'une initiative pour la paix a été ouverte à Paris, avec le début des négociations, négociations qui ne vont avoir de cesse d'être interrompues. 4 ans, autant dire des milliers de bombes, des milliers de morts. La radio vous épargne les images. Depuis Saïgon, l'envoyé spécial de l'ORTF, Alain Coat, fait le point sur l'état de la population sud-vietnamienne. Espoir, peur et scepticisme, la population sud-vietnamienne, qui ne connaît en France que bien peu de choses de toutes ces tractations, reste livrée aux slogans officiels de l'anticommunisme et à la pénétration de plus en plus systématique de la propagande du FNL. Elle a trop longtemps attendu la paix pour y croire encore et ne l'imagine que comme un paradis réel. Elle assiste à la poursuite de la guerre, aujourd'hui encore plus proche et plus meurtrière. Et pourtant, la seule chose qui puisse encore toucher cette population meurtrie, si on lui assure qu'il faut y croire, est l'arrêt des combats, la sécurité, la libre circulation à travers un pays où tant de ramifications familiales subsistent. Rien apparemment, ou presque, en dehors de cela, d'un attachement de raison et de prudence au relatif libéralisme individuel de la vie actuelle, d'une méfiance atavique de l'uniformisation et des nivellements sociaux et d'un écœurement sans limite. Mais cette population reste tout à fait capable de se laisser aller à une flambée de violence où s'affronterait l'opportunisme, le combat final des progressistes et le refus des anticommunistes. L'inconnu de ces réactions profondes est aujourd'hui parmi les préoccupations majeures de l'avenir, quels que soient les accords auxquels les têtes politiques peuvent se ranger. Pourtant, aussi bien du côté du général Thieu, l'homme qui gouverne le Sud-Vietnam, du duc Tho, celui du Nord-Vietnam, que du côté de la Maison-Blanche, il commence à ne plus être question que de ça. Chapitre 2. On attend une chose de la colombe, c'est qu'elle ne pose pas de lapin. La dernière information en date, qui semblerait corroborer qu'il y a bien mouvement dans la capitale sud-vietnamienne, c'est que M. Nixon semble avoir prescrit une réduction des opérations aériennes au nord, et surtout autour de Hanoï et de Haïphong. La 7e flotte a fait savoir en même temps que 3 porte-avions avaient été retirés du golfe du Tonkin, alors que jusqu'ici, leurs appareils embarqués participaient aux attaques contre le Nord. Ici, les démocrates, tentant de faire flèche de tout bois, accusent M. Nixon de cynisme. Citons Pierre Salinger, un conseiller du sénateur McGovern. L'administration au pouvoir atteint l'apogée du cynisme, dit-il. Après avoir été au pouvoir pendant 4 ans, elle concentre ses efforts pour la paix pendant les dernières 4 semaines de la campagne électorale. Eh bien, quoi qu'il en soit, rien jusqu'ici n'indique que M. Nixon ait besoin de la paix au Vietnam pour être réélu. C'était Jean Sagnier à Washington. Mais oui, c'est vrai, en cette fin d'année 1972, il y a du bulletin dans l'air. Et Nixon, même avec le boulet Watergate, garde toujours la même ténacité. Rien ne le stimule tant que l'adversité. N'entendez pas par là celle de son adversaire, hein, qui en l'occurrence a tout d'une micelle. Les derniers jours de campagne électorale du candidat démocrate McGovern ne sont guère plus brillants que les semaines précédentes. George McGovern a expliqué à quelques 20 000 New-Yorkais que le gouvernement Nixon avait fait des accords en sous-main avec le monde des affaires, mais qu'il n'avait rien fait à propos des 5 millions de chômeurs américains. Mais Ted Kennedy, qui soutient, comme on sait officiellement, la candidature de McGovern, ne serait pas particulièrement optimiste quant aux chances du candidat démocrate d'emporter la toute prochaine élection présidentielle. La déclaration de Ted Kennedy lors de la manifestation d'hier, à savoir que George McGovern vient de loin, semble accréditer la thèse du candidat sacrifié qui a réalisé une partie de la tâche qui consiste à ramener les démocrates au pouvoir et à la Maison Blanche. D'autre part, le sénateur McGovern a exprimé ses doutes quant au règlement prochain du conflit vietnamien. Selon McGovern, le président Thieu du Sud-Vietnam serait décidé à empêcher un accord négocié entre Washington et Hanoï. L'avis général dans les milieux internationaux de New York est que l'opposition de Saigon peut freiner, peut retarder quelque peu, mais non pas empêcher un accord Washington-Hanoï si Américains et Nord-Vietnamiens ont vraiment décidé d'arrêter les frais au Vietnam. Ici Théo Loire, à New York. Il a beau avoir peu d'espoir, le candidat McGovern n'en demeure pas moins lucide quant à son analyse sur la question de la paix au Vietnam. Manque de bol, ce coup-ci, il se trompe. Car Nixon le sait, c'est en raflant la paix qu'il pourra faire des économies de loyer pendant encore 4 ans. Nixon, pour l'instant, rêve à ces mots qu'il pourra prononcer un beau jour devant son peuple tout entier, réuni devant les networks. We today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. Mais pour l'heure, Nixon n'est pas au bout de son rêve. Henry Kissinger, lui, travaille dans l'ombre. Nous retrouvons André Fontaine. C'est quelqu'un qui peut être très dur, n'est-ce pas? Et quand il a des vérités à dire aux gens, il ne prend pas de détour. Et d'autre part, il est tout à fait capable de faire des marchandages, à la limite, dirais-je, sordides. Et pour ma part, je ne serais pas du tout étonné que lorsqu'il a été voir Brejnev au mois de septembre, il a passé 2 ou 3 jours avec lui, il est tenu un langage assez cynique même, lui disant « Écoutez, Monsieur Brejnev, vous voulez que nous participions à la conférence sur la sécurité européenne, vous voulez des crédits, vous voulez qu'on vous achète votre gaz, etc. Nous y sommes tout prêts, mais alors faites un peu pression sur vos amis de Hanoï pour qu'ils se montrent un peu plus conciliants. » En tout cas, le fait est que depuis le mois de septembre, les Soviétiques, qui jusqu'alors étaient plutôt en arrière de la main, ont fait pression sur les Nord-Vietnamiens pour qu'ils acceptent de négocier. Et le fait est aussi que cette concession de l'éducto du 8 octobre suit de 15 jours ou 3 semaines la visite de Henry Kissinger à Moscou. Yeah. We know very well what's going on there. Kissinger. Les accords que nous avons signés à Paris. Le duc d'eau. Kissinger. Le duc d'eau. They didn't respect their words and their signs. Kissinger. Le duc d'eau. N'ont pas été respectés et l'escalade du Vietnam du Nord. Kissinger. We don't want to send the boys back there again. Le duc d'eau. Que les signatures soient respectées et qu'on nous libère de ce sac de nœuds. So if this is the last chance we have. Nous avons été trahis par les paroles des Américains. Take it. Just to be sure. Chapitre 3. Le Père Noël est une ordure. Le 25 décembre 1972, pendant qu'ici ou là, on digère le repas de la veille et qu'on regarde paupières humides, les chères têtes blondes, tout ébouriffées, ouvrir les paquets en piaffant d'impatience, ailleurs, l'herbe n'est plus verte, elle est carbonisée. Noël au Vietnam est toujours un sujet d'étonnement. Mais le Noël de cette année est aussi bien triste. Et d'abord, imaginez les contrastes de Noël. Ici, il fait beau, très beau. Le ciel est bleu. La température oscille entre 30 et 35 degrés. Dans les rues de Ségon, on vend des faux sapins ornés de neige en coton. Et des crèches, enfant Jésus blond, couché sur la paille, réchauffé par l'âne et le bœuf qui lui souffle dessus. Et dans les villages, à la campagne, les offices de Noël ne cessent pas. Très tôt le matin, ou tard le soir, quand la chaleur n'est pas trop dure, les gens s'entassent dans les églises pour chanter minuit chrétien. Il y a environ 2 millions de catholiques et vietnamiens. Cependant, les autres années, Noël, c'est toujours aussi un peu de paix. Car Noël, c'est la trêve. Sous le ciel bleu, dans un paysage de palmes et de maisons plusieurs fois reconstruites et chaque fois devenues un peu plus baraques, c'est un Noël bien triste. Quelques jours plus tard, la récupération démagogique fait entendre ses premiers échos. En décembre dernier, les États-Unis d'Amérique ont repris de façon massive les bombardements sur Hanoï, sur Haiphong, et ont frappé les populations civiles. Évidemment, les délégations de l'international socialiste ne peuvent que déplorer et regretter cette reprise des bombardements et dans de telles conditions. Et personne ne peut avoir de doute sur l'état d'esprit politique et personnel des socialistes que nous sommes. Pendant ce temps, il n'est pas un jour où la radio romande ne parle avec ses correspondants disséminés dans le monde entier. Allô, Marcel Jouglaris, est-ce que vous m'entendez ? Bon, dites-moi, nous avons appris ici que le général Haig, une nouvelle fois, est en mission à Saïgon. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions le général est attendu ? Bon, le général arrivera demain matin, tôt, heure de Saïgon, on ne sait pas encore très bien à quelle heure, et vraisemblablement qu'il verra le président Chu dès 8 heures locales. Le général doit apporter une lettre du président Nixon au président Chu et en même temps lui communiquer le texte du projet d'accord mis au point par le docteur Kissinger et M. le duc d'eau. Après quoi, le général partira à Phnom Penh, à Vientiane et à Bangkok et reviendra, après environ 24 heures, prendre la réponse du président Chu. Ballet classique d'une période placée sous le signe de l'effervescence à la veille d'un moment important. Beaucoup d'agitation, de rumeurs diverses. Certaines fausses, d'autres pas. Ainsi, la qualité de relation qu'entretiennent M. Henry Kissinger avec le chef du Sud-Vietnam. Une fort intéressante émission de l'ORTF datée du début janvier 1973, présentée par Jean Lanzy à partir d'une interview du général Thieu, interview télé d'où la qualité est moyenne du son, parle d'elle-même. Extrait. Oui, ce que l'on dit à Saigon, c'est que si M. Kissinger n'est pas retourné dans la capitale sud-vietnamienne, c'est parce que, tout simplement, le président Thieu n'aurait peut-être pas voulu le recevoir de nouveau. Les choses ont-elles évolué? Nous le saurons dans les prochains jours, peut-être les prochaines heures. En tous les cas, on peut dire que le divorce a été très net entre le président Thieu et ses envoyés américains. Vous allez le ressentir. Pour parler de ses entretiens avec M. Kissinger, le président Thieu emploie une formule très diplomatique, mais dans le langage diplomatique, on sait bien ce que cela veut dire. Les discussions ont été très franches. Je ne refuse jamais un accord. Je ne refuse jamais un cessez-le-feu. Je ne refuse jamais les négociations. Entre nous et les États-Unis, moi j'ai dit ceci. Vous êtes un géant. Vous en foutez de tout. Moi je suis un petit homme. Un malade, peut-être. Alors, en Amérique, vous prenez une pilule comme ça. Une aspirine comme ça. Parce que vous pesez 100 kilos. Moi, en petit Vietnamien, je prends une aspirine comme ça parce que je ne pèse que 50 kilos. Alors, si vous faites une erreur en prenant une pilule, vous ne mourrez pas. Mais pour nous, qui est chétif, qui est d'une constitution physique beaucoup plus faible, et je mourrai de cette pilule-là. Alors, pour un accord de paix, vous pouvez vous permettre d'être facile. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être faciles. La perte du Sud-Vietnam dans le monde communiste, sur la carte mondiale, dit que, ah ben c'est bon, ça c'est une zone, c'est une buffer zone, it's very good for to contain the Red China. Les Américains peuvent dire ça, sur la carte stratégique mondiale. Il n'est pas question de choisir Moscou et Pékin, il est question de choisir nous-mêmes. Alors, pour les 17 millions de Vietnamiens, c'est la question de vie et de mort. Il ne joue pas sur la carte stratégique mondiale. Il n'a pas d'intérêt global dans le monde entier. Il n'y a rien. Le danger immédiat, c'est de tomber sous l'égide de Hanoï. Un autre danger, c'est de tomber sous l'égide de Moscou, de Pékin. C'est la même chose, ils sont tous des communistes. Nous ne sommes pas tous des Américains. Voilà ce qu'en substance nous dit le général Thieu à propos de la Grande Amérique, son allié. Nixon a remporté les élections, il a battu, non pas battu, terrassé George McGovern. 47 millions d'électeurs républicains ont eu raison des 29 millions d'électeurs démocrates. Et le 22 janvier 1973, le président Nixon peut annoncer devant tous les networks et les télés du monde entier. Aujourd'hui, nous avons conclu un accord d'arrêter la guerre et apporter une paix honorifique au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Les règlements de l'accord sont en voie de conclusion entre Washington et Hanoï. Aujourd'hui, à 12h30, le 23 janvier 1973. Demain, avec Wilfred Wiesmann, réalisateur de L'honneur perdu d'Henry Kissinger, le titre est posé comme une interrogation, nous reviendrons sur tous ces sujets. À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch.